Allah subhanahu wa ta'ala nous a crié pour l'adorer. Allah a dit, je n'ai crié les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les prophètes. Et si on jette un coup d'œil sur tous les messagers célestes, sur les messages célestes, on se rend compte qu'ils sont tous basés sur deux grands éléments essentiels. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, seul, et éviter le tarout. Allah Azza wa Jal a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous de tarout. Donc, la règle, adorer Allah Azza wa Jal signifie la réalisation de l'unicité à tawhid et la foi correcte et pure et la soumission à Allah et suivre ses enseignements. Et la règle, éviter le tarout signifie éviter les tentations et les innovations qui conduisent à l'association, l'injustice et l'immoralité. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs avertissements dans le Coran des méthodes de l'égarement. Pour protéger la religion et le tawhid des intrus et des déchets. Allah Azza wa Jalla dit, et n'oubliez pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Car suivre sa passion, c'est suivre le tarout. Naam. Et conduit l'homme à sa perte, car l'homme n'adore Allah Azza wa Jalla que par ses ordres, non par les opinions et les passions, sinon l'envoi des prophètes sera inutile. Naam. Suivre les passions, mes chers frères et sœurs, est une adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Celui qui suit sa passion, elle est ce qui est vrai dans le Coran et la Sunna, c'est comme s'il adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce toi d'être un garant pour lui? Il a aussi dit, l'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Allah Azza wa Jalla a aussi dit, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite, suis-la donc et ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas, et ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Allah a dit, en mettant en garde son prophète, et si tu suivis leur passion après ce que tu as reçu de sa science, tu serais certes des nombres des injustes. Par ailleurs, le fait de suivre le soi-disant, les saints, les chefs, As-Sadat ou Al-Kubara, les saints et les chefs des innovations, qui invente des rites et des prières que le prophète n'a jamais enseigné et considéré comme suivre le tarot. Naam. Allah a dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui est associé. Et comme il y a des groupes maintenant qui légifèrent dans la religion à cause, yani, ils voient des choses dans le sommeil, ou bien ils vont se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla avec des adorations, avec des invocations qu'ils ont vues dans le sommeil, et ils disent, c'est le prophète qui nous a dit ça, Wallahu al-musta'an. Donc ces personnes là elles adorent leur chef. Pourquoi? Ils ont pris leur chef comme des rabbins ou bien des moines, parce qu'ils ont légiféré dans la religion. Naam. Et sans les suivant et en contredisant les enseignements d'Allah et de son prophète, en légalisant les interdits et interdisant le halal, ceci disant le jour du jugement dernier, ce qu'Allah a dit dans son Saint Coran, et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés des sentiers. Ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et mon délai d'une grande malédiction. Allah aussi dit, le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, yani, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Chers frères, les rites et les adorations sont seulement ceux qu'Allah a prescrits. Personne n'a le droit de pratiquer un rite ou un acte d'adoration qu'avec une preuve légale. Naam, l'origine des actes de foi étant l'interdiction jusqu'à ce qu'une preuve soit établie. Par contre, pour ce qui est des transactions, des coutumes et des contrats, l'origine et la légalisation, jusqu'à ce qu'une preuve contraire à leur interdiction soit établie, si c'est parmi les règles de Ahl Sunnah wal Jama'a, de Salaf ou Salih. Ceci est d'ailleurs la signification de la shahada, le tawhid d'Allah, et suivre ses enseignements sont les bases pour que les actes soient acceptés. C'est-à-dire que l'acte doit être purement dédié à Allah Azza wa Jal, la sincérité, et en éducation avec la Sunnah de son prophète, et ça c'est le suivi. Allah Azza wa Jalla dit, et quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe donc son adoration aucun autre à son Seigneur. La compréhension du texte est par ailleurs basée sur des fondements. Et c'est ces fondements que le musulman doit s'attacher. La première source pour l'explication du Coran, c'est le Coran. Puis la Sunna. Puis les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, personne n'a le droit d'apporter quelque chose contraire à l'interprétation du salaf, au contraire des hauts textes. À titre d'exemple, les trois hommes qui sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'eux a dit, je prie toute la nuit, je prie toutes les nuits. Le deuxième a dit, je jeûne quotidiennement. Le troisième a dit, je n'épouse pas les femmes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que c'était contraire à la sunna. Naam. Maintenant que nous savons que les conditions que pour les actes de foi soient acceptés et que nous connaissons les fondements de la compréhension des textes religieux, nous pouvons parler à ce que certains innovent pendant le mois de Sha'ban et surtout sa moitié. Nous pouvons facilement comprendre que ce sont des innovations contraires au Coran et la sunna. Ils ne font que suivre les passions, les chefs et les grands. Naam, l'argument de ces innovateurs est que le verset où Allah dit Hamim, nous l'avons fait descendre à une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit. Allah parlerait selon eux de la nuit de la moitié du Sha'ban. Ceci n'a aucun fondement car rien ne prouve que cette nuit bénie est la moitié du Sha'ban, car ceux qui ont interprété le Coran vont dans un autre sens. Si l'on observe attentivement le verset, on comprend qu'Allah faisait allusion à une nuit sacrée où le Coran a été révélé. Par conséquent, il ne pourrait s'agir que de Laylatul Qadr, naam, la nuit du destin, qui se situe dans les derniers jours de mois de Ramadan. Et même si le verset parlait de la moitié du Sha'ban, on devrait se demander d'où leur proviennent les prières et les invocations qu'ils font durant cette nuit-là. D'autre part, dans plusieurs hadiths concernant le milieu du mois de Sha'ban, et ces hadiths, il y a des ulama qui voient qui sont sahih, comme le Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, au milieu du mois de Sha'ban, Allah pardonne aux croyants et ignore les infidèles et laisse les innocents dans leur haine jusqu'à ce qu'ils en pleurent. Le prophète a aussi dit quand on lui a demandé pourquoi il jeûnait plus pendant ce mois-là, yani ce mois de Sha'ban. Il a dit, alayhi salatu wa salam, que c'est un mois dont bien des gens ignorent les bienfaits entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les actes sont reportés à Allah et j'aimerais que mes actes lui soient rapportés pendant que je jeûne. Notre devoir, chers frères, pendant ce mois, est de renouveler notre foi et la corriger. Et à enlever toute haine et mépris de notre cœur. Le musulman doit éviter les innovateurs et s'allier aux salaf. Il faut également visiter les proches et la famille et rétablir les relations si elles ont été rompues et implorer la clémence d'Allah Azza wa Jal. Nous devons, frères musulmans, nous accrocher à la sunna et nous rapprocher d'Allah. Pourquoi désertons-nous la prière d'Al-Fajr? Pourquoi ne faisons-nous pas la prière de Duha, 2 rak'a, ou bien 4 rak'a, ou bien 6 rak'a, ou bien 8 rak'a. Pourquoi les musulmans ne s'assoient plus dans la mosquée après l'Asr jusqu'au coucher de soleil, prier lire le Coran et faire les invocations? Elle est vraiment bizarre que les musulmans délaissent les sunnah et suivent les innovations contraires aux enseignements d'Allah Azza wa Jal. Il a été relaté du prophète dans le hadith où il dit: chaque fois que la nation musulmane innove une innovation, elle perd par la même occasion une sunna. Ici, c'est ce qu'on voit maintenant. Quand tu fais une sunna, les gens ils disent c'est une bid'a. Et quand tu fais une bid'a, les gens ils disent c'est une sunna. Craignez Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, et préservez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mordisez à plein temps, car chaque innovation est un égarement, et chaque égarement est dans l'enfer. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi, wa sallam taslima kathira.